Je suis une petite souris et je ne sais pas si je deviendrai une danseuse étoile ou un rat au milieu des balais. Je suis une petite souris et je ne sais pas si je trouverai celui que j'attends et qui me cherche, peut-être sans me voir. Je voudrais qu'il me plaise, bien sûr, qu'il aime la vie, qu'il ait envie d'être mon ami, qu'il ait envie, comme moi, de construire une vie. Ensemble, je serai heureuse de l'aider et qu'il m'aime. Il serait heureux de m'aider et que je l'aime. Moi, je crois que Souris 7 était un peu triste. On entend de la musique. Mais bien sûr, c'est la fête de la musique. Tout le monde est invité sur la place du village. Tout le monde peut prendre un instrument. Ça sent les crêpes et les gaufres. Il y aura du chocolat. Mais Souris 7 ne veut pas y aller. Dit la souris. Je ne sais pas jouer. Mais on peut très bien s'amuser, même si on ne sait pas jouer. Prends ton banjo. Non, dit la souris. J'ai peur qu'on se moque de moi. Allons, personne ne va t'entendre. Prends ton violon. Dit la souris. Je ne suis pas en forme. Voyons, c'est pas une raison. Prends tes percussions. Dit la souris. J'ai pas envie. Mais c'est dommage. Tu peux taper sur des bouteilles en plastique. Dit la souris. Fichez-moi la paix. Finalement, tout le monde a fait la fête, sauf Souris 7, qui est restée chez elle. Et puis à la fin, comme tout le monde avait bien chaud, on a décidé d'aller se baigner. Et là, Souris 7 a dit « Attendez-moi, je viens avec vous !» Hérisson et Souris 7 se sont retrouvés dans l'eau l'un près de l'autre. Ils se sentaient heureux de jouer ensemble. C'était parti. Hérisson avait très envie de la revoir. Sa présence était comme un cadeau pour lui. Lui aussi, il aurait voulu lui faire un cadeau, mais voilà. De quoi une petite souris a-t-elle envie? je vous propose d'écouter Hérisson quand il cherchait ce qui pourrait faire plaisir à Souricette. Regardez dans la vitrine, sur le net ou dans la rue, il n'y a pas d'endroit pour acheter la présence, le plaisir qu'on peut donner. Le désir se vit en passant par nous. Le désir est liberté. Après ce long voyage, Hérisson était riche de ses rencontres et de ses aventures.